Un pour tous. Hourra, la radio fantôme. La quoi? La radio fantôme. Un pour tous. Tous pour un. La radio fantôme. Un pour tous. Tous pour un. La radio fantôme. Salut les bourrins, groupe fantôme en direct du Diablo Corps pour la le marathon, excusez-moi, d'ouverture de Radio Crochet. Radio Crochet. Au programme ce soir, ramonage de conduit. Auditif. Discussion de cons. Toi. Avec pour seul objectif, quelques litres. À boire, effectivement. Alors bonsoir à tous, c'est groupe fantôme en direct live, c'est une exclusivité rien que pour vous. C'est notre première émission de radio. Alors voilà, le sujet c'est la musique et les brefs de comptoir, quoi, parce que y a plein de sujets à parler, il y a plein de musique à écouter, donc on est super chaud. Et Michel, toi t'es chaud Michel? Je suis chaud. Et toi Frito, t'es chaud ou pas toi? Pour l'instant ça va, mais il paraît qu'il y avait un petit coup à boire, je vois qu'il n'y a rien sur la table, on va peut-être s'écouter un petit morceau avant de se servir un verre. Bah écoute, on va se faire un premier morceau avant de se faire un petit godet, on commence par quoi alors? C'était le Sleaford Mods qui était le premier morceau. Béni au platine. Exactement, béni au platine, envoie-nous le bousin. I can tell. This barrel, you've got me bent over. Was it pulled from your pork cellar in your lovely little ass? I can tell. When taverns raise a glass for no one, no point trying to use your colon. I see it coming at your mouth. Monday streets, the sweat and bus stops get done over by the youthless clubs on shutdown streets. The 1%ers know it's just as well. I could be 25 years older, shuffling into paper slippers. I catch the 42 to L. Meh. Streets ain't the same when you get older. No nutrition and the mould, a figment eaten by the cold. It's just as well. I could be 25 years older, shuffling into paper slippers. I catch the 42 to L. I just hope everything gets pulled apart, pushed, gets pulled apart, bust, gets pulled apart. I just hope everything gets pulled apart, pushed, gets pulled. I can tell. Wow, wow, wow. I can tell. You believe you'd be thinking that you got it, but you're para like the rest of us who squirm in bank transfers. Leighton Stone or a village, and there's no contract. We move in ways we don't invent. I mean, it's better all the time. Monday streets, the sweat and bus stops get done over by the youthless clubs on shutdown streets. The 1%ers know it just as well. I could be 25 years older, shuffling into paper slippers. I catch the 42 to L. I just hope everything gets pulled apart, pushed, gets pulled apart, bust, gets pulled apart. I just hope everything gets pulled apart, pushed. I just hope everything gets pulled apart, pushed, gets pulled apart, bust, gets pulled apart. I just hope everything gets pulled apart, pushed, gets pulled apart, bust, gets pulled apart. I can tell. Bye. Anka. Anka. Eh bah, merci à Sleaford Mod pour cette intervention. Bon alors Michel, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Explique-moi le programme. Ah, j'ai cru qu'il y avait un jingle qui se lançait, non, excusez-moi. Je peux lancer le jingle, mais c'est la fin du fichier audio que vous m'avez donné. À la fin, le monsieur, ouais, il parle. Mais je vous mets un petit radio-crochet. Jingle. Oui. Allez, un petit jingle. Radio-crochet. Faut savoir l'encaisser. Ah, c'est du bon. Et toujours groupe fantôme en commande de la radio-crochet. Alors Michel, la suite du programme, explique-nous un peu ce qui va se passer là. Des festivités en tout genre. Il va y avoir des choses à gagner. Des choses à gagner. Des choses dont les gens ne veulent pas forcément. Ah. Est-ce que c'est des choses du genre un mois de loyer payé par exemple ou, deux mois de loyer payé? Non, je crois que c'est sur une radio concurrente. Un mois de loyer payé? Non, c'est pas ça. C'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est pas un cadeau dont on est sûr que tout le monde s'en serve. Ah d'accord, ok. Et tu gardes la part de mystère alors? Eh oui, bah, vous serez en deuxième partie d'émission. Ah très bien. Bon, bah, on va peut-être se faire un petit godet quand même. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'il se fait soif. Bah écoute. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils boivent des fantômes? Ah écoute, attends. On nous a filé des tasses, là, on va trinquer. Merci. Allez, à la santé du colonel. Et à la particulièrement vôtre. Du colonel. Donc alors, la prochaine chanson, Michel? Bah je sais pas, il y avait une envie d'enchaîner sur Sans froid, tu savais? Moi déjà je trouvais qu'un pour tous bourrin, je voulais savoir un peu Ah oui, c'est vrai. Un peu qu'est-ce qui nous attend, ouais, de la soirée là. Il n'y avait pas un petit programme avant qu'on commence? Oui, excusez-moi, donc plein de choses à gagner, on l'a déjà dit. Il y aura des chroniques variées de part et d'autre. Chacun ici présent peut amener sa chronique à tout moment. Sont déjà prévues la chronique de Sans froid, la chronique insupportable. La chronique de la compression. Chronique de la compression. La chronique de la compression qui fait mal au crâne. Il va te comprimer le crâne, mais ça ne durera que 2 minutes. Il aura 2 minutes pour faire de ton cerveau de la purée mousseline. Benny, dis-moi combien on est d'auditeurs pour constater si après la chronique compression, on aura une perte d'auditeurs sur la... Eh bien pour le moment, nous sommes à 38 auditeurs. Oh. Ah, nous avons déjà perdu 4 auditeurs par rapport à la moyenne de la journée. C'est l'effet groupe fantôme. C'est pas mal. C'est bien. Donc il y aura aussi, évidemment, alors, Jean, j'imagine, on a déjà beaucoup parlé des gilets jaunes. Ça sera difficile de ne pas en parler un peu. Ah, c'est quand même difficile de passer à côté, Jean-Michel. On essaiera de ne pas redire les choses, mais c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à l'international? On ira voir quand même ce qui se passe dans les autres pays. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui, ça nous intéresse. Et puis, bah, pour commencer, puisque les gilets jaunes, je crois, là, l'ont eu un peu mauvaise hier. Un petit peu, je crois, oui, tout à fait, Michel. Est-ce qu'ils sont allés, je parle sous couvert des gens qui ont des infos, ils sont allés jusqu'à l'Elysée, non? Pas vraiment. Non, je ne crois pas. Non. Je crois qu'ils ont été stoppés avant. Mais je crois qu'ils ont envie de le traquer jusqu'au bout. Tout à fait. D'ailleurs, il y aurait peut-être un morceau qui sera adapté à ce genre de situation. Traqué comme casé. Alors, casé, pour quel morceau, Michel? Morceau, une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste? C'est vraiment très agressif. Ça comme ne thème. Passe pas les portiques de sécurité. Ça serait bien du rap encore, ça, non? Alors Benny, j'ai ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. J'ai ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste. Chez toi je me poste. Te piste, t'accoste, ensuite te moleste. Te frappe, te brusque, tu flippes. Et tu masques la piste dans ton front. Et ta grippe à mes basques. Passe tous mes disques ou sinon je te confisque. Ces bijoux grotesques et les dents qu'il te reste. J'insiste, ajuste ma lame dans ton buste. Ne fais plus un geste, ouais je sais c'est injuste. Tu pleures, t'es triste, qui parle de désastre? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ton parrain est ministre. Je m'en tape complètement, quand je veux je te dévaste. Avec ces grandes calottes que je t'administre. Putain d'opportuniste, quasi esclavagiste. Toi, t'es qui pour me rayer de la playlist? Tu disais comme ça que mon rap est néfaste. Tiens, prends ça, c'est lui qui t'en casse. J'ai ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. J'ai ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Et à l'improviste, à ton taf, je m'incruste. Tu cries, tu résistes, mais trop tard, tu dégustes. Petit journaliste, mon cul tu t'offusques. Mais je t'avais dit, quand je veux je te débusque, eh oui. T'as pris trop de risques en critiquant mes textes. Mon nom, mon crew, mon style, ma casse, uh-huh. T'as fait l'humoriste et maintenant je te séquestre. Regarde quel contraste, t'as l'air moins enthousiaste. Ne fais pas l'autiste car ceci n'est qu'un zeste. Un aperçu modeste des techniques que je teste. Depuis plusieurs mois tu étais sur ma liste. Je t'ai laissé ta chance, allez sois réaliste. J'ai ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. Ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste. J'ai ton nom, ton adresse. Ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. Ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste. Hé, hey, toi l'artiste, bien, bien. Le grand, le robuste. Ouais. Oui, oui. Toi là-bas, appuyé sur l'arbuste. Uh-huh. Tu peux jouer les rustres, mais si tu persistes, je te blesse à l'aide de l'instrument de ton bassiste. On dit que tu pèses contre moi, me déteste, et raconte partout que je suis intégriste, parce que j'aime le rap de puristes qui empestent, non pas ton sale son fait avec des choristes. Uh-huh. Toi, qu'est-ce qui se passe? Où t'as mis ton vice? T'as plus de face, et en plus, y'a ton corps qui se crispe, et puis tu rouspètes car tu prends une vraie rouste. Ne fais pas la tête si tu veux, fais mes boosts. Boost, glisse, oui, le monde est vaste. Ramasse ton pianiste et son violeuse de rasta. Avant que je te délaisse de tes bagues, de ton poste, de ta veste, et te laisse en galère, garde l'est. J'ai ton nom, ton adresse. Ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. Ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste. J'ai ton nom, ton adresse. Ton nom, ton adresse. J'ai vu ta tête dans la presse. Ta tête dans la presse. J'irai où tu restes. J'irai où tu restes. Avec une lame dans ma veste. Une lame dans ma veste. En page, papy. Viens pas tester, hein, les plus détestés, hein, tu peux pas contester, en falche, en falche, cassé, ha. Bon, j'espère que ça vous a plu, coucou les copains, un petit son qui résonne un peu avec ce qui se passe en ce moment. Bon, en fait, d'habitude, nous, pour l'émission de radio, on avait prévu plutôt de faire un espèce de mix, quoi. Donc, c'est-à-dire que nous, on fait du son, on avait mis des petits trucs bout à bout, des petits collages, un peu du sampling comme on fait d'habitude, une heure d'émission. Et puis, les copains, ils ont récemment décidé de prendre en charge toute la nuit. Moi, je suis pas trop au courant de ce qu'ils ont préparé. Il paraît qu'ils ont bossé un peu cet après-midi. Il y a eu prise d'otage quand même sur le minuit 4 heures, mais bon. Ouais, mais c'est nos horaires, oui. Ça nous va bien, on les prend, on les prend. Et donc, il paraît qu'il y avait presque un espèce d'enchaînement. Il y a eu une recherche, des espèces de recherches en lien avec les thématiques qui nous plaisent. Ouais, bah du coup, on a cherché des sons cet après-midi, enfin tout à l'heure, quoi. C'est Emi Darda. Et il se trouve que Dehon a trouvé un truc cet après-midi, coup de chance. Un truc qui tombait du ciel. Raconte-nous comment t'as découvert ce groupe. Carrément, mais magnifique, tombé du ciel, Jean-Michel. Alors en fait, j'écoutais une radio que j'aime bien, dont je ne citerai pas le titre ici, parce qu'on va pas faire de concurrence à Radio Crochet quand même. Et donc c'était Rossé qu'on connaît tous bien. Qu'on aime beaucoup. Et qu'on adore, oui, qui était invité de l'émission et qui parlait de ses influences et des groupes qu'il aimait bien. Et il en est venu à parler du groupement culturel Renaud. Alors rien à voir avec Renaud Séchant, le chanteur français qu'on adore aussi. Un peu moins maintenant, mais qu'on a adoré en tout cas. Quand on n'était pas né, on l'adorait. Et voilà, donc en fait c'est un groupe d'étudiants qui était sur Renaud Billancourt. Et ils ont fait un album en 1973. Et donc on va s'en écouter un extrait. Et le morceau s'appelle Cadence. En faire du travail. Ouvriers malades qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler parce qu'ils sont payés à l'heure. Pour la main en ensanglanté par la machine, par ses rythmes qui s'accélèrent et épuisent notre attention. Pour ces cadences qui nous éreintent jusqu'à la crise tonnerre, et ces usines qui nous jettent quand on n'est plus bon à rien. Merci, cadence. Sordides où s'entassent les misérables, les parias, les exploités. Partout ce luxe superflu qui éclabousse autour de nous les vitrines vides de nos yeux perdus. Pour nos salaires, pour mendier le nécessaire, alors que c'est nous, bon Dieu, les créateurs de richesses. Merci, satiété. C'est vrai qu'il est un peu pompé sur Isaka quand même ce morceau, mais t'as vu comment la batterie elle est bien mixée. Moi je pense que là c'était un DBX 160 qu'ils ont mis sur à peu près sur un ratio de 8. Ah pardon, je crois qu'on a repris l'antenne. Oui, on a repris l'antenne. Salut tout le monde. Non, j'avoue, ah, c'était quand 103, même. Ouais. Non mais moi-même j'avais envie de monter à l'octave et de crier je le fais mal. Donc il est peut-être venu le temps aussi d'annoncer un peu le jeu concours, parce que là c'est vrai qu'on parlait du groupement culturel Renault. Mais Renault, en ce moment, on peut faire des liens. Ah, petite Renault, actualité, petite Carlos, actualité. Carlos, Japon, bon. Bon, j'ai vu que Carlos était dans la panade. Merde, ah là là, non, on le croyait tellement honnête, cet homme-là. Ça va pas arranger les... Bah écoute, moi, quand j'ai vu ça, franchement, je tombais des nues. Je me disais, mais attends, merde, le mec, il est capable de ça, quoi. Détourner de l'argent. Moi, franchement... ça m'a déçu. Non, ça puis m'a... se faire pécho comme ça, sorti de l'avion, j'ai quand même une personne importante. C'est tellement dommage. Est-ce qu'on pourrait quand même, tu vois, le traiter un peu mieux que ça? Bah ouais, attends. En France, ils auraient fait quoi en France? Bah je sais pas, les mecs, je pense qu'ils l'auraient même pas accusé en fait, non? Non, en France, ils l'auraient invité au ministère. Ouais, au MEDEF quoi. Ce serait fait un petit romi, tiens d'ailleurs. Il en reste, bah resserre des verres quand même. Attends, la bouteille a disparu. Fais des cadeaux, offre des verres. Attends, je vais offre des verres et fais des cadeaux. Nous, on vole pas l'argent des gens, on fait des cadeaux au contraire. Toujours est-il que effectivement, je crois qu'il y a quand même une malchance, comme on dit. Je perds mes mots, tu vois. Il y a la guigne, surtout les Carlos. Mais attends, alors moi, pour moi, ça ressemble quand même de près à un complot tout ça. Parce que bon, ça nous pète à la gueule, tu vois. Carlos aurait détourné ou aurait oublié de déclarer 60% de sa fortune. Mais qui n'oublie pas de déclarer quelques millions? Jette la première pierre. Hey, les riches, ils ont peur de l'État, ils ont pas envie qu'on leur tombe dessus, les mecs payent leurs impôts. Donc moi, ça me surprend. Je pense plus que c'est un coup des Japonais, tu vois. Il y a toujours un peu de rancœur. Ils sont un peu vicelards. Ouais. Et puis je crois qu'ils ont toujours pas digéré la pilule américaine. Et du coup, tu sais, ils essayent toujours un peu de... Bon, bref. Du coup, je m'étais dit, voilà, Laguine, t'as trouvé le mot. Laguine sur tous les Carlos. C'est vrai. Benny, cite-moi un Carlos, s'il te plaît. Cite-moi un Carlos connu. Un Carlos connu, celui qui chante Big Bisou. Selon toi, est-ce qu'il a bien tourné ou pas? Il a pas très bien tourné. Voilà. Déjà, juste sa maman, c'est quand même pas top, quoi. T'as une maman qui est psy, qui te juge en permanence... Ouais, Françoise, elle était pas si méchante que ça. Non, mais le mec a fini par... T'as vu la gueule des chemises, quand même? Ça sent l'enfance douloureuse. Plusieurs fois. Mais d'ailleurs, Carlos a mangé dans un restaurant à Rouen. On peut voir au refuge... je crois que c'est au refuge Berbère, il me semble. Quelque chose comme ça. Il y a sa photo. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit restaurant au loin? Indien, attends, on a une info. Restaurant indien, place Henri IV. Voilà, place Henri IV. Très bon restaurant. Il y a une photo de Carlos, un peu photo délavée. Et il est vraiment entouré de bouffe. Ça m'a trop donné envie de rentrer dans ce restaurant. J'ai une amie qui a rencontré Carlos. En personne. À Fécamp, il avait fait fermer un restaurant et s'était enfermé. Il était tout seul dedans et il était avec une table remplie de milliers de plats. Ah ouais. Et il les goûtait tous et il les mangeait tous. Et ça avait l'air assez triste et maladif finalement parce qu'il était tout seul en train de les manger. Eh bien non, madame, c'est la grande vie. Et oui, c'est ce qu'on appelle la grande vie. On bouffe tout seul, c'est sympathique. Donc ce soir, on s'est dit, bah tiens, un pourquoi autre... pas. Attends, non, attends, on n'a pas fini. Carlos, est-ce que quelqu'un connaît un autre Carlos qui aurait. Carlos le terroriste. Alors, il a bien tourné ou pas le terroriste? Il a plutôt mal fini. Il y en aurait pour dire qu'il aurait bien tourné, je sais pas, ça dépend du point de vue. Ça dépend comment tu te positionnes. Mais du coup... Enfin, du point de vue de passer pas sa vie en prison, je crois qu'il a pas très bien tourné. Quand même. Du coup, on s'est dit, comme on a un paquet de cadeaux magnifiques à vous offrir ce soir, il va falloir dégainer vite les lapins, parce que je vais vous dire que ça va pas traîner, quoi. Donc, on s'est dit, on va offrir un CD groupe fantôme. Oh là là. Ouais, ce fameux cadeau dont personne ne veut. Carrément. Et alors donc, quelle est la procédure, Michel, pour remporter ce cadeau magnifique? Alors, il faut contacter le Diablo Corps par un moyen qui t'est choix, qui t'est chu, qui te revient, quoi. C'est à toi de te démerder, ma gueule, pour te manifester d'une manière ou d'une autre. Je crois quand même qu'il y a des Facebook, il y a des le conneries. Facebook, quand même, il y a le Facebook du Diablo Corps, et tout à fait, oui. Alors, prends ta motive, connecte-toi au 21e siècle et appelle la radio et donne-nous, s'il te plaît, le nom d'un Carlos qui n'aurait pas soit mal tourné, soit fini sa vie en prison, pour ceux qui... voilà. Donc un Carlos célèbre. Un Carlos, bah ouais. Oui, voilà, non, pas ton non, cousin, ton, me dis pas cousin... Carlos Pereira, qui habite je sais pas où, là. Donc tu nous donnes un Carlos connu, qui n'a pas mal tourné, et tu pourras te vanter d'avoir gagné un magnifique CD Groupe Fantôme. Ça nous emmène vers une prochaine chanson, peut-être. Eh bien oui, Michel. Alors, sans froid, dis-nous un peu vers quoi on se tourne à niveau son. Bon, on va mettre au pif un son que vous avez choisi. On va mettre Gros Zone avec Ice Baer. Allez, un petit Ice Maestro. Ah oui, on en parlera après, mais c'est cool. Müssen nie weinen. Merci Frito pour ce fade manuel à la bouche. J'en profite pour remercier Quincy Jones qui est aux platines derrière et qui nous aide bien pendant qu'il se fait un petit repas. Que manges-tu dans ton assiette ? Alors là, tout de suite, en fait, j'ai trouvé une assiette à l'étage et je ne savais pas exactement ce qu'il y avait. Je l'ai juste pris, je suis descendu avec, donc je vais le découvrir avec vous. C'est un petit mélange de ce que les gens nous ont apporté au fur et à mesure de la journée, puisqu'on râlait beaucoup entre midi et 13h en disant « Personne ne pense à nous, personne ne va nous nourrir », alors qu'on parlait d'une émission culinaire. Et donc, dans mon assiette, j'ai actuellement de la semoule mélangée avec des lentilles. Et il y a des petites carottes. Est-ce que je pourrais préciser, s'il te plaît, Benny, ce que tu manges ? Alors dis-nous. Parce qu'en fait, il se trouve que tu as dans ton assiette un dalle de lentilles instant cuisine, jingle. Un dalle. Jingle Maïté. Est-ce que c'est Pierre qui l'a fait ? Ouais, c'est Pierre du dalle. Ou... Ah non, c'est pas Pierre qui l'a fait. Ça a été fabriqué après l'émission culinaire. D'accord. Donc le fameux casse-dalle. C'est... Donc voilà, du coup, c'était un dalle de lentilles corail et lentilles vertes. Donc vu que c'est orange et vert, et bah dedans, j'ai mis des carottes et des épinards. Et j'allais dire ça, j'allais dire lentilles corail. Et j'ai aussi une patate en plein milieu. Oui, alors, si c'est pour que tu sois bien nourri en plus. D'accord, parfait, voilà. Et bah, c'est plutôt bon, même donc, si c'est froid. C'était c'est l'instant bon. Cuisine. Bah, merci à tous ceux qui ont quand même participé d'une manière ou d'une autre en amenant notamment des victuailles. Ouais, merci. Je crois que les gars ont pas trop envie de causer là et ils ont envie d'enchaîner direct sur un son. Ah, c'était ça qui était prévu là ? Ouais, je sais pas. Ah, mais un truc à dire. On enchaîne sur quoi là ? À moins que tu voulais parler un peu de gros zone. Tu voulais parler de gros zone. Tu voulais parler de gros zone. Cette charge m'incombe, désolé, mais oui, mais tu sais. Puis après, moi, je suis en train de préparer dans ma tête un jingle. Je me mets tellement la pression. Dans 5 minutes, vous aurez un jingle manuel à la bouche. Alors, on va passer du coq à l'âne et on va balancer un petit Danny Brown. Danny Brown, sans free, petit. When it rain. Petit. Danny Brown, Détroit, c'est voilà. Du gros rap mixé avec la grosse techno de Détroit. C'est le nouveau monde, la fusion de tout. On se mélange, on est tous pareils, on les encule tous. Les autres, là, on est là, on fait du son, c'est lourd. When it rain, pour ceux qui ne sont pas. Ça veut dire quand il pleut. Ah, bah voilà. C'est un morceau normand, merci à vous. Et bah, c'est parti, Danny Brown, when allez, it rain. Allez, on enchaîne. Have you ever been stiffed at work? Well, I've never been stiffed at work. Go dangerous, on that cat. Go tracks, man, hit it from the back. DJs hop and slap me back. Bruce every day, we run that train. Put that thing in her caboose. Only way you hang is where I knows. Before I say, ain't no tropes. Y'all niggas like, y'all ain't like us. Hang up with the devil off, ain't your dust. For that money, ain't that we trust. I'm for people for greed and lust. When you put the trust, when guns gon' bust. Living every day like it's the end. Just waking up, feeling like a sin. Gotta keep an eye on all your friends. Cause everybody hungry and no streets. Nigga, rub your grandma for something to eat. Know it's fucked up, that's how I be. Growing up, living every day. In a day, and it don't seem like shit gon' change. No time soon in the city I boom. Don't for the time we emerge from the room. Sold our coat, just we cut soon. Here we go, now here we go. Ain't no water, high flower gon' grow. Ain't no change, then how we gon' change? No umbrella, we stuck in the rain. Dark clouds hanging all over our head. No shine, shine, and them shines be lit. Light no squares, and them dots be red. Make your best friend that shot in the head. Drink. Oh, you ain't know that. When it rain, when it pour, get your ass on the floor now. Oh, you ain't know that. Better luck when you hear them gunshots go off. Pop off when those shots go off. Knock off, you tryna play me soft. Glock sign on your face, dog. No baseball, better run home. Hit your line, blood on your tongue. Exorcist, show head gets blunt. Exodus, I might forget. Bitch, when it's time for your West be do. You ain't heard it like this before. They don't do it like this no more. They get on that, they get on that, they get on that. Fuck on the flop. You ain't heard it like this before. They don't do it like this no more. They get on that, they get on that, they get on that. Fuck on the flop. Oh, you ain't know that. When it rain, when it pour, get your ass on the floor now. Circulator, your ass like if you own respirator. I'm like Bangarola with that blade. Kid don't play when I catch that fade. Shoot a whole party up with the day. Shut down when we hit the DJ. That Detroit shit, you're around Visco. Mixing gators, pissed on the disco. Eat crawfish, up in Visco. See the road safe, watching the piss. Niggas get pissed, I'm no fly sound. Call Uncle Trick when you hit my hound. Beef with him, don't hit my phone. Beef verse, everybody ain't no sound. Come around the city, where them ghosts be like. Get caught slipping, your ass be hurt. That's for certain, your ass be cursed. Young niggas out there putting that work. For a pair of joints. Whole damn city pride got a couple words. When it comes to jail, always stay chronic. Yo, you're a cause they just gon' pop. Hold your way, know that. When it rain, when it broke, it's ass on the floor, man. Hold your way, know that, did you? Bad luck when you hear them gunshots go off. Pop off when those shots go off. Knock off, you tryna play me some. Smile on your face, dog, no baseball. Better run home. Better run home. You ain't on that bitches. Du gros rap de Détroit, de la grosse de techno de Détroit, produite par un petit blanc anglais dans son garage. Ça fait du bien. On se remettra en gros son direct ou pas, les copains? Oh, direct. C'est comme tu le sens. J'avais envie de mettre une chanson d'amour tant que devant il est parti fumer, parce qu'après elle passera pas. Ah, elle passera pas après. Puis peut-être ma chérie elle écoute encore, puis c'est une allez, chanson pour elle et je tout. Je crois qu'il y a une dédicace dans c'était, l'air. Ça, c'était très mignon. En plus, c'était un petit morceau de rap français, c'est pas souvent qu'on en écoute, on est devenus des vieux cons. C'était moi la squale, le petit morceau Luna, c'est un mec, je l'aime vraiment bien ce gars-là. Puis il fait penser à ma copine ce morceau. Bon alors. Ma chérie, ma loupie, elle est mortoie ce morceau. Instant love. Il y a de l'amour sur les ondes. Je t'aime ma chérie, tu le sais. La squale ma gueule. Un soir avec Bendero, je t'ai posé, je roulais mon pédo, on écoutait midi minuit. Et voilà que t'es passé, même dans le noir t'es ébrayé. Qu'est-ce que t'étais bien habillé, parfumé comme il fallait. Pour t'avoir j'ai galéré, galéré, galéré, galéré, galéré. Seul le temps est passé, avant-hier je l'embrassais. Oh ma Luna, je te certifie comme Bellucci. C'est si c'est pas mon outil, elle au placard elle m'a écrit. Je me fais plaisir de te la décrire, son innocence me fait sourire. Je suis pas là pour dépenser, gros, c'est moi son pansement. Elle mon cœur il lui suffit, gros, je kiffe quand elle sourit. Son corps c'est utile, ses petites mains font craquer. N'oublie jamais de rappeler moi, j'oublie jamais Hervé. Oh ma Luna, j'suis désolé, j'suis désolé. J'ai tourné, tourné, toi tu m'as pas oublié. Toi tu m'as même mandaté. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais chichi, et pour moi t'en mâcher. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J'te veux que toi, bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais chichi, et pour moi t'en mâcher. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J't'ai dit j'te veux. Bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. J'ai pour moi t'en hacher, tu me l'as jamais rappelé. Je me rappelle au placard tes mandats, tes appels. Oh ma Luna, chaque mois t'as fait de la paix. Je me rappelle, ouais Luna, je me rappelle. Les galères, les problèmes, ben des routes, fous la haine. Tu sais même pas pourquoi tu l'aimes, tu récoltes le blé qui sème. Oh ma Luna, malgré tout ça t'es encore là. Tu baisses jamais les bras, toi tu croyais en moi. C'était toi qui brillais pas, toi le matin t'étais brillant. Tu t'as fait dur pour que l'argent rentre, moi tu rentres en prison. Devant toi j'ai l'air d'un con, la squad c'est fini les conneries. Au fait ton il me rend fou, tu t'en foutais que j'ai pas de sous. Que des soucis dans les poches, mais Luna lâche pas la perche. Toujours là pour son approche, même sous piche il la respecte. Galant quoi qu'il arrive, pour Luna ça met le chill. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais chichi, et pour moi t'en as chier. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J'te veux que toi, bah ouais j'te veux. Oh ma Luna, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Tu fais jamais chichi, et pour moi t'en as chier. Oh ma Luna, c'est toi que je veux. J't'ai dit j'te veux. Bah ouais j'te veux. Oh ma Luna. Oh ma Luna. Oh ma Luna. C'est carré. Oh ma Luna. Voilà c'est tout tu veux. C'est carré la squale. Oh ma Luna. C'est bon. Ah moi la squale il était au 106 y'a pas longtemps ce petit salaud. Il est pas mauvais. Hein. Comme je racontais ma vie avant, je vous le dis, je travaillais ce soir-là. Jeune espoir du rap. J'ai pas été, j'étais dégoûté. Il aurait voulu passer une soirée en amoureux. Avec sa copine. Pour écouter du rap français. Non. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est tellement mignon. En parlant de rap, d'ailleurs, au final, est-ce que les gens ont bien compris qu'on était sur groupe fantôme Vivement les bourrins, je sais pas quoi, je sais même plus c'est quoi le titre. Oh merde, t'aurais pu apprendre le titre quand même. Ah ouais, un pour tous. Un pour tous, tous bourrins. Allez. Comment, c'est comment? Un pour tous, tous bourrins. Ah ouais, quand vous faites sauter la compression, les mecs là, sans froid, compression. Compression, compression. Combien de gigahertz? Ne touchez pas la table, enlève tes coudes. Merde, t'as rien appris donc. Oh là, merde. Bon alors, au final, c'est quoi groupe fantôme? Je te demande sans froid, puisque t'es un peu le dépositaire du son. T'es un peu impliqué, quoi. T'es un peu impliqué. Comment tu raconterais aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Groupe Fantôme, ce qui serait quand même pas de chance pour eux. Enfin, j'ai l'impression que ça doit être les mêmes quand même, a priori. Mais donc ceux qui connaîtraient pas, tu leur dirais quoi? C'est une maladie très grave, mais pas contagieuse du tout. Est-ce que ne ça... vous inquiétez pas, tout va bien. S'écoute en concert quand même ou pas? Il paraît qu'il y a des concerts de temps en temps et qu'on prend vraiment un énorme plaisir, que les sens palpitent, les envies, les choses se font. Et puisque tu gères la musique, quel est ton instrument préféré? J'ai beaucoup samplé la flûte, avec tout l'esprit. Enfin, j'avais vraiment tout un concept à un moment de Gavroche. Aussi. Cornemuse, j'aime bien aussi. Ouais. Là, tu te souviens, là c'était vraiment le truc Gavroche, j'étais là-dedans, donc il y avait la batterie, tout le truc guerrier, donc d'avancer, d'être en chemin, donc ouais, ce truc transportable, là tu sais, je suis tombé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. Qu'est-ce que tu samples? Je te demande quel est ton instrument préféré? Avec quoi tu joues de la musique, mec? Avec mes potes. Avec mes potes, et puis on... On vous avait pas prévenu, c'est une anti-interview, c'est-à-dire qu'il ne va jamais répondre à mes questions. Oui, c'est le but, vrai ou faux? Non, Groupe Fantôme, en fait, c'est un groupe d'amis, tout simplement, qui fait de la musique et qui s'amuse bien. On travaille autour de l'électro, du punk, du rock, du rap. On est influencé par pas mal de musiques différentes. Et c'est vrai que ces derniers temps, on s'est un peu diversifié. Alors moi, j'écoute un peu plus de rock. Et Sans Froid écoute un peu plus de musique électronique, un peu barrée, un peu... comment dire, des espèces de fusion de musique entre l'électro, le métal, des trucs un peu particuliers. Quoi. Ouais. Dit comme ça donne pas trop envie. Mais c'est le but. Jenali, non? On va laisser un peu. Oui, est-ce que ça rentre dans les influences, tu veux dire? Un mélange émo, oui. Rap et métal. Mais oui. Mais pas aller aussi loin dans la fusion, je crois. Non, pas aussi loin. Mais du coup, quelle est ta contribution à cette bande de joyeux drill? Alors dans cette bande de joyeux drill, je suis à l'expression vocale, c'est-à-dire que je fais le chant, Michel, le chant ou le rap, je ne sais pas. Avec quelle partie de ton corps? En fait, j'ai jamais vraiment réussi à définir si je chantais ou si je rappais. Je pense qu'on va dire que je rappe, parce qu'il n'y a pas de notes dans ma voix. Et donc, voilà, tout simplement, je suis contributeur par ce biais-là. Après, on a sorti un projet il y a peu de temps qui s'appelle Acouphène, dont d'ailleurs je rappelle, vous pouvez gagner le CD ce soir en nous balançant sur le Facebook de Web Radio Crochet un Carlos qui a réussi sa vie. Donc je rappelle, ni le Carlos terroriste, ni Carlos de Big Bisou. Ce qui suppose quand même un like sur la page Web Radio Crochet. Voilà, donc pour revenir sur le groupe, parce qu'on raconte... Ce qui suppose aussi un auditeur. On raconte n'importe quoi. Donc Groupe Fantôme, d'ailleurs Groupe Fantôme, il me semble qu'on avait fait une sélection d'un de nos morceaux. Ah, est-ce qu'on playlist nos morceaux promo. Carrément. On ne s'emmerde pas. Attends, je crois que quelqu'un va intervenir. Je voulais dire, pour ceux qui sont vraiment des gros nuls et qui vont pas trouver le bon Carlos et qui vont pas aller sur Radio Crochet, l'album, vous pouvez aussi l'acheter. Et il est d'ailleurs à la Conjuration des Fourneaux, dont on a parlé aujourd'hui, le petit resto, la rue Saint-Hilaire. Tout à fait. Il y a une installation incroyable juste pour mettre en valeur cet album. Rien que visuellement, ça vaut trop le coup de venir. Expliquez-moi ce que c'est. À quel prix peut-on l'acquérir? Mais il me semble, Michel, que le prix est libre. Non. Et si. Incroyable, quel est ce concept? Mais on fait de la musique pour les pauvres. Mais pour les riches aussi, donc si tu veux mettre 10 000 balles dans la boîte, n'hésite pas. On va enchaîner avec un groupe fantôme? Bah ouais, hein. Sauvage, ça, Sauvage, ça va réveiller un peu, parce que je crois ça que... Ça me paraît légitime. Voilà, et puis ça colle à l'actu, hein. Faudrait pas s'endormir. Ok, allez, on est parti avec Sauvage. Merci, vous êtes gentils. Vous êtes vraiment gentils, parce que c'est pas terrible ce qu'on fait. Hein. Vous êtes vraiment... Merci. On est d'accord. Merci. Voilà. Voilà un mec sincère dans la salle. Allez, suivant. Pendu qui prend ta plaie docile, effrayé par la liberté, obéit à des vieux fossiles, oubliant valeur et fierté, déposent leur cerveau au vestiaire pour aller gagner du papier. Consommer, c'est tout ce qu'ils espèrent, nager là où ils n'ont pas pied. Quand la réalité dépasse la fiction et que l'intolérable devient possible, ils subissent les conditions vivant qu'ils sont. Pendu qui prend ta plaie docile, éduqués depuis mon maître captif, isolés c'est impossible de leur faire de l'ombre. Tiens nos chaud dans sa cage au lieu d'être actif, on sera peut-être assez nombreux pour refaire le monde. Éduqués depuis mon maître captif, isolés c'est impossible de leur faire de l'ombre. Tiens nos chaud dans sa cage au lieu d'être actif, on sera peut-être assez nombreux pour refaire le monde. Dépressif, instable et hostile, porté à ébullition, la couche populaire se distille. Alcool de contradiction, sans chercher les vraies solutions, ils veulent leur niger sa victoire, attendant la révolution, sans jamais lever le petit doigt. Pressé par le temps, aveuglé par l'écran, constamment raquettés pour alimenter les grands, mis en concurrence et poussés dans le retranchement. Dépressif, instable et hostile, éduqués depuis mon maître captif, isolés c'est impossible de leur faire de l'ombre. Tiens nos chaud dans sa cage au lieu d'être actif, on serait peut-être assez nombreux pour refaire le monde. Éduqués depuis mon maître captif, isolés c'est impossible de leur faire de l'ombre. Tiens nos chaud dans sa cage au lieu d'être actif, on serait peut-être assez nombreux pour refaire le monde. Allez tout le monde là, allez dansez là, dansez là, tout le monde danse. Là au fond là, copulez au fond là, copulez. Faites-vous plaisir, vous êtes nombreux, on vous voit pas là. On sera peut-être assez nombreux pour refaire le monde. On sera peut-être assez nombreux pour refaire le monde. On sera peut-être assez nombreux pour refaire le monde. Là on est à la table. Ah les bons souvenirs. Oh merde, désolé. Bon, alors. Bon bah voilà, c'était ça, groupe Fantôme. En l'occurrence, un concert à l'oreille qui traîne. Tout à fait, Michel. Concert de ouf. Vous avez vu au début hein, du morceau, il y avait vraiment un public qui était en, enfin, en symbiose, bon, j'ai envie de dire. 10 000 personnes à peu près. Ouais. À peu près, ouais. Enfin, bon, en toute humilité. Hein, ça dépend. La préfecture dit moins, mais c'est pas sûr. Bon, alors du coup, vous avez entendu Sangfroid qui joue de la MPC parce qu'il n'a pas voulu répondre à l'interview. Donc le mec, il appuie sur des boutons, ça fait de la musique. Tout le monde est content. Là-dessus, arrive De Axe, crache dans le micro, tout le monde est content. Donc, là-dessus, Paulette prend des photos, problème. Problème, ça marche pas. J'ai plus de batterie, les mecs. Il avait oublié la carte SD. Je n'ai pas déchargé la carte. Voilà. Bon. Voilà. Non. Est-ce qu'on n'a pas présenté Melette qui... Oui. Oui, mais au final de tout ça, quand même, ce soir-là, ça avait marché. Du coup, vous pouvez voir en ligne le morceau que vous venez d'entendre, vous pouvez voir le clip carrément avec des vraies images. Bam qui donnent comme une impression que si t'étais dans la réalité, mais en fait c'est ton écran de PC. Faut pas se... Et c'est surtout qu'on a refusé que Steven Spielberg réalise cette vidéo. Bah parce que moi je suis là depuis le début, je vois pas pourquoi. C'est Michel qui a fait la vidéo. Ouais. Donc j'avoue que celle-là, si elle pouvait faire un peu plus de vues, j'aimerais bien, parce qu'il y a une autre vidéo qu'on ne sait pas pourquoi, elle fait 40 000 vues, on s'en branle de cette vidéo-là. Ouais, et les vidéos que j'aime bien, elles font 30 vues, je suis deg. Enfin bon. On est des vrais putaclic. Au final, tout ça pour dire, Deon, tu chantes, bon, pas mal, ça va. Bah, je me démerde. Tu fais ce que tu peux. J'ai enlevé les stabilisateurs, on va dire. Bah, il bosse dur et tout, il n'a pas forcément tout le temps. Tu bosses, ok, à l'usine, c'est la galère, t'as eu. Mais, à côté de ça, t'as quand même une passion, non ? Bah oui, Michel. Oui, bah oui. Moi, j'aime l'odeur du copeau, de la poussière. J'aime le bois. Ah, t'aimes mettre le tenon dans la mortaise ? Ah, j'aime mettre le tenon dans la mortaise. Et pas la mortaise dans le tenon, évidemment. Quoi. Ah, d'accord. Mais je crois que mon assemblage préféré reste quand même la queue d'aronde. Ah, pourquoi ? Parce qu'elle est massive. Ouais. Elle est robuste. Elle tient bien. Ouais. Elle tient dans le temps, dans effectivement. Le temps. Un tiroir à queue d'aronde, c'est un tiroir qui est garanti à vie. Ouais, oui. Une fois j'en ai ouvert un comme ça 1000 fois d'affilée. Mais ouais. Putain, le tiroir. Ça ne bouge pas. Truc de malade. D'ailleurs. T'as dû être vachement en retard à ton rendez-vous. Mon rendez-vous pourquoi pour... Oui, c'est vrai que t'as pas de rendez-vous. Non, j'ai pas de rendez-vous. Pourquoi t'as fait ça ? J'ai pas de vie, moi, personnellement. C'est pour ça qu'il faut bien s'occuper, mec. Mais d'ailleurs, en parlant de menuiserie, je crois qu'on a un morceau qui correspond bien à la menuiserie, non? Ah bon? Eh ben, écoute, c'est parce que tu n'as pas ta petite liste sous les yeux. Apprends-moi et dis-moi quel est ce morceau. Eh bien, Benny, s'il te plaît, lance-nous un petit stupéflip. Effectivement. C'est parti. Elle avait anticipé. Radio Crochet, on est toujours là. La menuiserie dédicace, j'en profite, à un certain Thibaut, avec son association au fond du bois, si je ne me trompe pas. Donc, le mec, il a une assoce de menuiserie, il est là, dans la campagne profonde, il attend, il coupe des arbres avec les mains, je crois, non? Ouais, avec les pieds même. Avec les pieds. Ouais, carrément. Débite en bout de bois. Après, il invite des gens et ils construisent des trucs avec. N'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est fun. Je suis allé une fois. Franchement, c'est excellent. C'est la bonne ambiance. Mais oui, oui, oui. Moi, j'avais une question à poser d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Mais je crois qu'il y a eu un match de foot assez décisif qui a eu lieu ce matin. Et on n'a eu aucun retour à ce sujet-là. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques mots à ce sujet? Oui, alors bon, c'est vrai. Il faut dire que donc la Radio Crochet est affiliée, enfin, comment on dit, parraine un peu l'équipe. C'est ça. L'équipe d'où d'ailleurs? L'équipe de Doupeville. Doupeville. L'équipe Matin Doupeville, District 2. C'est pour dire que le niveau est faible. Merci sans froid, ferme ta gueule. Je parle de mon sport de merde, s'il te plaît. Je me mets au niveau. Non, c'est le club partenaire. Donc peut-être dans les prochains rendez-vous, vous connaîtrez l'avancement du club, sachant qu'actuellement on est quand même deuxième du championnat. Que Thibaut Devaux ne sort de sa forêt que pour jouer au foot. Il vient. Exceptionnel. C'est un bûcheron footballeur menuisier. Exactement. Excellent. Je ne sais pas dans quel domaine il est le meilleur. Il doit avoir une sacrée musculature en tout cas. Je le vois régulièrement sous la douche. J'avoue, je me régale un peu. Petit coquin. Et du coup, par rapport à toi, par exemple, niveau musculature, il en est où? Par rapport à moi, tout le monde est globalement meilleur. Alors, et du coup, le match, comment ça s'est passé? Alors, ce matin, c'était très pluvieux, tout ça. Tout le monde pensait qu'on n'allait pas jouer, que l'arbitre allait interdire la rencontre. Vous jouez en vétéran? C'était pluvieux. Ah, c'était plus vieux. Ouais. Non, mais j'avoue, j'ai... Ah, c'est bien. Non, là, il y a un... Oui, merci. C'est en haut à gauche. Non, ouais, voilà. Ok. Donc, très pluvieux, tout ça. Nous, on voulait jouer. L'arbitre, il voulait pas. Il était pas trop chaud. Il disait, ouais, bon, le terrain, question de sécurité, tout ça, si vous taclez, un truc. Mais t'occupe pas, Michel, c'est notre terrain. Si on a envie de le défoncer, on le défonce. Donc, effectivement, c'était un peu la gadoue. Au final, on l'a pas tant défoncé que ça, le terrain. L'arbitre, lui, il avait bien les nerfs de devoir faire le match. Du coup, il n'a pas vraiment arbitré. On a fait notre match. On gagne 1-0. Houpeville ouvre le score. Corner. Oh. Corner. Jean-Jacques s'avance dans la mêlée. Ah. Il met la tête. Bam. Pleine lucarne. Ouh. 1-0. Franchement, plein de fois, on marque des buts. Mais alors, des pleines lucarnes, c'est quand même pas tous les jours. Bim. Ok, mec content. On repart, bim, les mecs dans la foulée, juste après. J'avoue, là, c'était un peu moi au début de l'action. Je fais une passe pas top. C'est quoi ton poste? Là, j'étais milieu droit. Okay. Donc, normalement, c'est pas trop risqué. Je fais une passe vers l'attaquant, tout ça. Bon, ça foire un peu. Il récupère la boulette. Et tout le monde après, ça fait mille cons. C'est franchement marrant. Les mecs arrivent en face à face, il y a le ballon au milieu. Et les mecs ont tous les deux 2 mètres d'élan. Ils y vont, ils mettent tous les deux tout ce qu'ils peuvent. Bam, le ballon, il rebondit, tu sais pas où. Et il arrive à un endroit où, pareil, rebelote, il y a 2 mecs, ils sont à 2 mètres de la balle. Ils avancent, ils mettent tout ce qu'ils peuvent, bah, le ballon, il vole, tu sais pas où. Bah si, sur la deuxième fois, il a volé vers l'attaquant, passe décisive, but dans la foulée. J'avoue qu'au début, c'est un peu de ma faute. Un partout, on se ressaisit, t'as eu. Et là, on marque le 2-1 sur un but carrément volé, à base de... Notre attaquant, il pousse le défenseur, le mec se vautre un peu en avant. En se vautrant, il touche la balle de l'arrière de la tête, ce qui, du coup, feinte son propre gardien. Et ça passe entre les jambes du gardien. C'est pour te dire une chatte monumentale. Okay. Voilà. Donc au final, ça finit 2-1. Des prochaines aventures de l'USH, l'Union Sportive de la Heineken, d'Houpeville. En mars, parce que là il y a une grosse trêve, donc on se retrouve en mars pour Houpeville. Ok, bah n'hésitez pas à nous tenir au courant même pour le mercato s'il y a des transferts entre les clubs. Alors moi perso je reste parce que j'ai pas eu d'autres propositions. Super. Et puis vous sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si cette chronique elle vous a plu pour savoir si vous voulez qu'on la refasse le mois prochain. Allez, merci à tous. En mars. T'as dit que c'était en mars. En mars, grosse trêve. Ça me rappelle quelque chose. En mars. En mars. En mars. En mars. Bon, ok. Putain Allez. De bâtard. Leçon suivante. Allez, j'ai une brève de comptoir. J'ai Allez. Vu tout à l'heure sur l'internet. Non. Truc de malade. Non. Je clique, il y a des images partout, je comprends pas bien. Des fois. Carrément, quoi. Et là, v'là-t-il pas que je vois. Je vois porno, en fait, décrit. Tout de suite, ça attaque. Ah bah, tout de suite, ça attire l'œil. Mon œil va dessus. Et je lis, quoi, qu'il n'est plus possible de mater du porno chez Starbucks. Mais comment que ça, Michel bien. Mais alors, comment ça? Mais comment faire? Là, déjà, j'ai beaucoup de questions. Déjà, qui mate des pornos à Starbucks? Les employés. Est-ce que c'est un amoindrissement, tu vois, de la liberté, tout ça, je sais pas quoi, là? Ou est-ce qu'en fait, juste, on s'en branle? Moi, je trouve ça quand même intéressant de mater du porno au Starbucks, quoi. Parce que quitte à être obscène, autant l'être à fond. Est-ce qu'il y a... Oh, ouais, non, j'ose pas. Dans le café et tout ça. Ouais, ouais. Ah, dans le café. La mousse. Tu penses qu'il peut y avoir un goût ? Bah, est-ce que ça a un goût ? Mais ça attends, dépend si elle a un gilet jaune. Starbucks, c'est le truc de location de cassette. YouPorn. C'est le truc de location de cassette ou le truc de café ? C'est non, pas... c'est le truc de café cher et dégueulasse. Mais je comprends pas le thé. Donc quel est le rap ? Bah, tu sais, les gens squattent là-bas, ils ouvrent leur, leurs Wi-Fi. iPad, là, enfin non, leur gros Mac, là, truc avec le truc qui brille de l'autre côté de l'écran. Là. Et puis ils chillent là toute la journée, faire ouais, j'ai de la thune, j'ai rien d'autre à foutre. Ils boivent des cafés chers. Et donc visiblement, il y en a, ils se materaient des pornos au point qu'ils se sont dit non, ça fait mauvaise image quand même, on va bloquer le réseau, t'as eu ? Ah, donc la question c'est est-ce que t'as le droit de te mater des pornos devant tout le monde quoi ? C'est ça ? Mais attends, oh, c'est bon là. Oh, c'est ça. Je pense que tu peux mater des pornos à Starbucks si tu prends le grand café, là, la pinte, et tu fais un petit coup, la boum, Sophie Marceau, à la place du popcorn. Tu prends le gobelet, quoi. Ah oui. Voilà les bonnes techniques voilà. Des mecs en yinche. Et là, c'est discret. Ouais, un café bien chaud avec supplément et crème. Il paraît qu'aussi avec des, dans un gobelet en carton avec des pâtes tièdes, ça marche bien aussi, il paraît. Bon, voilà, c'est des petites techniques de tolard. Hein. Plutôt une pasta box, du coup. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon, j'ai envie qu'on enchaîne avec un son un peu brutal, là, quand même, les amis. Donc, je propose qu'on parte sur un petit dope D.O.D., What happened? Ouais. J'espère que je l'ai bien dit. C'est une interview ou c'est des gars? Yeah, what's up, JV? Nigga, what's crackin'? What you doin'? What's going on? What's happening? Nowadays, I be pimpin' the mattress, selling crackin'. Nigga, you still rappin'? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best to just step in here. Check my gear. I got flavor, man. Hip hop. Rockin' front in the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like them New England Patriots. The craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap in the 2-0 era? Whether you're getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and pressure. Put them under pressure, professor. Test what happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute. You're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex, and violence? The nicest reflects on your iris. Gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice. I walk the path of the psycho. I kill MCs regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses, we climb to the top. Who's next to flop? Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the system. People go listen. A lot seem to have vanished. They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Every day I hear the same fucking BS. The same old song, you just don't progress. You won't confess that you all fame obsessed. I've seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism, you can be my guest. This hip hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know. It's all about the rate of flow. He's even got a golden glow, what a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes art like he's Vincent Van Gogh, but no, I turn from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. You just don't know. What happened? D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. Ça c'est du gros son hollandais. Ils étaient trois, ils sont plus que deux. On aime bien les groupes qui étaient un certain nombre et puis ils sont moins. C'est la vie, c'est comme ça. Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça ressemble à nous. Ah.